Sirius, j'entends parler l'atome. Allons, soleil, poussière, tais-toi. Tais-toi, fantôme, espèce de clarté. Pâtre dont le troupeau fuit dans l'immensité, globes obscurs, je suis moins hautain que vous n'êtes. Te voilà-t-il pas fier, ô gardeur de planète, pour 7 ou 8 moutons que tu paies dans l'azur? Moi, j'emporte en mon orbe auguste, vaste et pur, 1000 sphères de feu, dont la moindre a 100 lunes. Le sais-tu seulement, larve qui m'importune? Que me sert de briller auprès de ce néant? L'astre nain ne voit pas même l'astre géant. Arcturus. Moi, j'ai 4 soleils tournants, quadruples en fer, et leurs 4 rayons ne font qu'un seul éclair.